à St. John Perse. Homère turquoise des poètes, l'immensité des hommes retournés se fracasse aux vagues des paysages côtiers. Homère, reflet de ciel violet, bleu et rouge mélangé aux pupilles, au jour se levant, au lac éternel, aux eaux tombées du ciel, au son de la cithare, à la rosée des matinées, à la tempête des vieux vaisseaux, le vent est un cerf-volant, tandis que les vagues rompantes le cachent. Au ciel, l'écho des mers passe le cap-horn, blanc et horizon à la ligne de flottaison. Sur les ardoises des mers turquoises, les mots s'écrivent à la verticale des craies blanches. Faites sous-marine, tu mets navire porteur de roses.